Depuis matin relevé, tombé fait jalousie. Et puis tombé babillé, tant couvier sorti ici. Ou levé ou sorti, ma grande côté ou aller. C'est doué l'envoisinage, ou al ramasser tripotage. L'on retourne pita, j'en ou tout l'on gossa. Bagé moun ki palé, et puis ou tombe relé. Jodi a pas jam monté, l'envie fouillé di fe ou. Grand cour a bétuyé, m'senti pas capable. Chaque 9 mois l'hôpital, non salle maternité. Ou maman sec timoun, ou candidat pour 6e. Par contre, quand ça pralé, plus qu'on pas blé rété, ça sent miséricorde, moi vini fourré comme. Ou gagne une vieille pratique, sans machin à cassant, acheter crédit tout le temps, et puis ou pas blé payer, pour lui demander ou l'argent, pour voyer l'y côté. Tant qu'on va jamba ou, sans façon pour émerder moi. Faut que moi t'amette écran, qu'on vous passe à l'manan. Et puis faut que moi t'abrave, plus va passer guédé. Comme t'es capable qu'un bé, à qui une femme décloquée. Qui pas moins 5 timoun, qu'un 2 qui pas pour moi. Ou pas mon vieux beau frère. Qui va jambler le travail, toute la journée le chita, tant qu'on l'a payé caille, manger pas chamassé, pour faire manger en pile, ma chaîne a quitté ça, me senti baga baba encore, senti baga baba encore, me senti pas foutre. Capable encore. Allez-vous.